Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Eri, on se retrouve pour l'émission Hintarbrezonek. Hintarbrezonek, émission d'initiation à la langue bretonne. Kentel, leçon combien aujourd'hui, Henri? Perhantrizeg aperugen. 493. Voilà. On dit d'abord la centaine, après on dit 13, et puis après on dit 80. Bon, voilà. Tout va bien. Nekedies. Nekedies. C'est bon. Juste un petit peu de gymnastique. Un peu de gymnastique, oui. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qu'on entend assez souvent, enfin, lui-même ou ses dérivés, c'est « skud ». « Skud », donc, qui a un sens assez varié, enfin, c'est une ombre portée, c'est un reflet, c'est quelque chose comme ça. Une ombre portée, parce que, je me souviens, il y avait eu des dessins de Nono dans les années 70, là, il y avait Job and D. Hooger, là, qui doit travailler plus vite que son ombre, ou Jan D. Hooger. Tu te souviens de ça, peut-être? Non, je m'en rappelle pas. C'était pour la grève d'abattoir d'Oux, là. Et on voyait un gars qui devait couper la tête du poulet plus vite que son ombre. C'est difficile de travailler plus vite que son ombre. C'est Lucky Luke, mais version d'Oux, quoi. Il y avait Job Lacobars aussi. L'homme je me rappelle. Ouais. Oui. Job Lacobars qui boit plus vite que son ombre. Voilà. Il fallait qui levait le coude et on voyait que l'ombre n'avait pas eu le temps de suivre, quoi. Voilà, donc c'est une ombre portée, parce qu'autrement, si on est à l'ombre, c'est dishol, un dishol. Hein. Mais oui, être à l'ombre sous un arbre, c'est un dishol. Mais l'ombre portée, un peu l'ombre chinoise, on pourrait dire. Hein. C'est un peu le principe de l'ombre chinoise, c'est erskut. Voilà, alors c'est un vieux mot celtique hein, qu'on trouve aussi dans les langues celtiques, hein, en cornique, en gallois, en gaélique, et qu'on trouve aussi en anglais d'ailleurs, shed, hein, c'est la même origine. Hein. Voilà, je sais pas si je prononce bien, je crois que c'est shed. Hein. Je sais pas, mais ça me dit quelque chose, oui, Henri, ça m'a l'air très bien, moi, ouais, franchement. Ouais. Voilà, alors, donc, mot masculin, dans le pluriel, est skedou. Voilà, alors, comme je le dis, c'est une ombre portée, alors c'est un reflet aussi, hein. On dit que, par exemple, il y a un proverbe qui dit « morne zang de zorskeut ». Les porcs ont peur de leur reflet. C'est-à-dire, quand ils se voient dans leur nourriture, ça leur fait peur. Ils associent ça, d'ailleurs, à une nourriture trop légère. Hein, si ça fait reflet, c'est que c'est pas suffisamment consistant, quoi. Il y avait un cheval aussi qui s'appelait Bucéphale, qui avait peur de son ombre. Oui, voilà, oui, oui. Et il y a pas mal de gens qui ont eu peur de leur ombre. Voilà. Alors, un dérivé qu'on entend peut-être plus souvent que l'original, c'est skudden. Hein. Skudden, qui est une image. Alors, c'est beaucoup de choses, hein. Une image, une statue, hein. Voilà, donc pluriel skedenou, hein, et qui lui est un mot féminin, voilà. Alors il y a plein de dérivés et de néologismes d'ailleurs qui ont été faits là-dessus, hein, par exemple skenedadur, skedenadur, c'est la représentation, la figuration, hein. Voilà, alors le verbe, hein, skedenin, hein, représenter, figurer, skedenadures, là ça commence à être un peu long. Skedenadures, c'est l'iconographie. Hein, c'est aussi long. Hein. Skedenadures, iconographie. L'iconographie, c'est l'ensemble des représentations, hein, par exemple, sur un livre. Hein. Ça vient du grec, hein, icône, hein, qui voulait dire une image. Une image, au départ, n'importe quelle image. Et puis, dans la religion orthodoxe, enfin, chrétienne orthodoxe, c'est devenu une image sacrée, une icône. Hein. Et puis, c'est utilisé aussi hein, pour dire quelque chose qu'on admire beaucoup. Hein. Voilà. Une icône. Alors, ça a été utilisé aussi pour propager, on va dire, la foi chrétienne. Oui, oui, oui, oui, oui. Le Père Monnoir. Oui, oui, oui. Voilà. Enfin, ici, c'était pas vraiment des icônes, c'était des images pieuses, en fait. Oui, autrefois, dans les armoires, dans la porte, dans le battant de l'armoire, il y avait toujours, dans toutes les maisons, il y avait des images pieuses comme ça. Voilà. Et souvent, effectivement, la représentation du Père Monnoir qui a eu un grand succès, en iconographie en tout cas. Voilà. Alors, de Skudden, on a fait Hatskudden. Hein. un double, une copie, hein, voilà. Orfinskeden, c'est une image qui bouge, hein, c'est-à-dire une image cinématographique. Voilà. Flemskeden. Flemskeden, c'est une caricature. Ah, pas mal. Un flément, c'est piqué. Voilà. Flemme, ouais. Voilà. Lurskeden, c'est une photographie. Alors, en fait, on emploie souvent Skeden tout court, hein, puisque quand on parle d'une image, par exemple, sur un journal, on sait bien que c'est une photographie. Hein, voilà. Lurskedenin, hein, qui est donc photographié, mais on peut dire tout simplement Skeden, hein, dans ce cas-là, hein, Skedenin, hein, représenté. Skedener, c'est un. Alors, c'est l'équivalent du mot imagier, hein, qui d'ailleurs au Moyen-Âge voulait dire aussi sculpteur. Ah oui. Ouais, imagier, hein, c'est celui qui fait des images, des représentations qui peuvent être des sculptures. Hein. Voilà. Neiskeden, hein, c'est une copie, hein, par exemple avec une photocopie. Hein, voilà. Alors j'ai déjà parlé de Jan Dihoucker et de Job Lakebaars, qui se retrouvent ici. J'ai dit que les cochons avaient peur de leur ombre, de leur reflet plus exactement. Voilà. Et puis, alors il y a une expression qui est dérivée de ça, qui est « euskud », c'est-à-dire « en même temps ». Mais en fait, ça s'écrit « e » avec un petit tiret « skud », mais ça se prononce « skud », hein, on n'entend pas le « e » qui est avant, quoi. Et par exemple, « skud « Schillauer an Erkabe, skudobor trowel ». J'écoute Erkabe tout en faisant autre chose. Et ça vient de l'ombre, hein, c'est-à-dire dans l'ombre de l'activité principale, je fais autre chose. Et très, très employé, quoi. Hein, très employé. « Skud », voilà. Le dernier album de Nolwenn Korbel s'appelle « Skudorudu ». Oui, oui, voilà, les traces, oui. Oui, oui. « Skud », oui, c'est joli, hein, « Skud », oui. Et ce que c'est aussi, alors ce que c'est, en même temps, à ce que c'est, Musgrelzee, voilà, deux activités parallèles. C'est de plus en plus à la mode, hein. Il paraît qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Ah bon? Oui, ouais, j'ai vu ça dans la gestion, dans le management, comme on dit, des entreprises. On essaie de développer cette façon de faire pour ne pas perdre de temps, faire plusieurs choses à la fois. Tu vas te lancer dans une carrière de manager, Henri, ou quoi? Non, moi je préfère faire une chose à la fois et essayer de la faire le mieux possible. Bon. Voilà. Mais enfin, j'écoute quand même Erkabe en faisant autre chose. C'est l'avantage de la radio sur la télé. Bien parce sûr. Que la télé, on est rivé, là. Bon. Ouais. Voilà. Tandis et en que. En plus, la radio, tout le monde peut l'écouter. Voilà. Et puis ça. Sans argent. Ça se déplace. Ça se déplace. Voilà. C'est... Alors, on peut dire aux gens d'écouter la radio. Ce que dort trop elle. Et on passe à la seconde partie. C'est Brezhoneg tan matan. Matan. Thank you. Brézonnec. Tom à Tom, toujours avec Henri Lenaou, c'est l'émission Inter Brézonnec et Brézonnec Tom à Tom, c'est le petit dialogue, comme d'habitude, qui se passe dans ce village merveilleux de Zantoloc, un village qui se trouve entre Trémargat et Pommeret de Quintin, et Lanrivain, juste au milieu fait, hein, milieu, voilà. Et là, il me semble que c'est le camp d'Arbobl, Henri, à Zantoloc aussi. Ouais, alors on va en parler. Parce que Job Dédé, l'instituteur en retraite, mais il continue à exercer les enfants pour le camp d'Arbobl, va se produire encore cette année. Et donc, Chanik est allé le voir. Parce qu'il y a une école encore à Zantoloc. Oui, il y a une école à Zantoloc, oui. Voilà. Salut, Job. Ma de jeu. Matré, Chanik, matré, nahoui. Matré, oui. Mais l'arénita, prestige vos camps d'Arbobl à Daré. Ya, Chanik, pouderien, vos, bendessul. Mon rigroise gonna en scolidi. Ya, gon scolidi zantolog, a réel de spouderien blanc, réel CM2. Presté en trau gonna? Ya, presté en trau, blanc me vocan le d'or gandaouen, bizarre de gand Glenmore, plus dur. Glenmore, zo et en an an, nugen plaso. Pesseur gandaouen? Gronve, les vel juste, hein. Ben, gronve, ya, car en brau, homjou a gantonne. Chance va d'orne. Ya, merci d'ar, Chanik. Tien dessul. Tien dessul, Job. Tien dessul, ya. Et on reprend ce petit dialogue, phrase à phrase, entre Chanik et Job. On va traduire maintenant pour les auditeurs. Ouais. Salut, Job, manager. Oui, salut, Job, comment ça va? Matré, Chanik, matré, Narui. Oui, bien, très, très, très bien, hein, Chanik. Et vous? Parce qu'on vous voit par ici, hein. Matré, Yvé. Mais l'arédinta, prestique et vos camps d'Arbobl à Daré. Oui, bien, mais dites-moi, bientôt il y aura le camp d'Arbobl à nouveau, à Daré, hein, à nouveau. Il y a un chanik, bah, plouderien, et vos bendisul. Ya, ce sera plouderien dimanche. À Monnerie, droit à ce gandarskolidi, demande chanik. Oui, et vous irez encore avec les enfants, avec les élèves. Ya, gandskolidi zantolek, à Réal de Splouderien, ré CMDAO. Oui, alors entre ceux de Zantoloc et ceux de Plouderien, qui est la commune d'à côté, donc les CM2. Parce que je pense qu'ils ont un projet de regroupement pédagogique entre les deux. Donc ils commencent à faire des choses ensemble. Après, c'était un Traoganar, demande Chanik. Et les choses sont prêtes avec vous, hein, pour traduire mot à mot. Il y a blamant vous connaître en Ganawen, Betzavet Gan Glenmore. Zoet d'Anaon, Hugen Vlasso. Oui, cette année, nous chanterons une chanson qui a été faite par, composée par Glenmore, qui est mort il y a 20 ans. Pesseur Kanawen. Alors, quelle chanson? Gronvel, vel juste. Bah, Glomel, bien sûr. Hein, c'est Gronvel, la chanson sur Glomel. Hein. Kave de Han Brau un tonz, aga homjo. J'aime bien le. Un ton, hein, c'est un ton. J'aime bien le, ouais, mais c'est la photocopieuse qui a une ratée là. J'aime bien la musique et les paroles. Chance va d'orneuer, dit Chanik alors. Oui, bah, bonne chance alors, dit Chanik. Trugares, à Bendisul. Merci et à dimanche. Bendisul, Job. Bendisul. Thank you. mairie Petras au Neve, Hervé. Ben, calze drogues au Neve, bo Hervé, je dis où j'en ai vel juste. Krogon de Diantan, evel kiz a custum, gandela a bourdouar, a gervu et war ar mes. Calze gudé, nous ou ar mar et man, gandela a bourdouar, a calze reuse au ganzé, dreistol, gandelez, a gande mort, reise le ar pris, et vide halfe labouré a yon douar, bevant de zo la bour. A gazé zo un dra trist, a gazé redédé or trous, vide, vide non divin. Bon, dis se manquant, hein. Mais de bêta vraiment avec Gwell et de Kals Discool Mawarzi. Péon Combs de ze l'arbre douar, zo moyen de Combs on tombe de ze Nendro, puis dur l'arbre douar à Nendro et zo liam, à l'évêle juste, ag pas de nan ou abé lac de hisk l'en guerlédant. Scars et un dour, hein, et loin un dour de Hesk, hein. À, calze dudes au bête, velle de l'en guerlé dans le port de Nams Arze. C'est au million de dudes, me sclèvent, hein, zo bête. Pis, zo Jésus, hein, bénéfine. Ag, vraiment, et bé hat carg de l'en, n'est que bépel, vi bou hat carg, puis dur zo bête, glotien zo bête. Ag, bon, dis, et bé hat carg vonis. Ag, vraiment, zo lac pisque bars. À Guise ben d'Aupédri Blaham, vos moyens de besqueterien, de mandadare, de besquetade, war à l'ens, ou sort barados et vide besqueterien. Plus dur, on compte de l'arbre d'ouar, de scuder nous au bête, hein, dur, au bécal heureuse, war à nechou, à maison de vos heureuses, quoi, war à trouel, ne ce que de discoulme bête bénéfine, hein, plus dur, bonne, ho, et ve prime, ou, de l'arborarien d'ouar, mais c'est autant votre, ou, d'histoire bénéfique, quoi. À ces orgues d'une phrase, Brice, plus dur, l'arbre d'ouars au chiche, si d'économie, hein, à peine n'a que mort de l'arbre d'ouars, n'a que mort d'un trouel. Spiemus, même strave, au cave d'iscloum, ou évite, elle fait, labourer yon d'ouars, bévant de zomicha. Gouelle de vos, pis sa mot de vos con. Wardachen, politiquer, est-ce vraiment? De ce que Gualbelzo et aide Nitron Tobira mais de ce gouvernement de ce que Nezi Harg Agi Hador de Jean-Jacques Urvois Zondine de Sevro PJJU Vela Mavro Ag Bon c'est vos dernes de Zendu de l'art à vos matresses et non de vide vide Braisom plus dur Jean-Jacques Urvois de ce Bétkini que trop vide Braison mais de ne me que calze grid change chose calze drap plusieurs au VGAI politico il y a une bapare ils alise de une que jonche de splaring de à gaveret et l'art vel réel en plar gauche des hommes mayonain l'art et pever mesken dive des retard l'art ben bayon dit se fait compte quoi hein. Dis ce qu'on a zéro quoi les dalis hein. War d'acheneur politique reçoit comme je vais calz bavro de ce strolade ou parouge ou bamarme communauté de communes hein. Bonne vipezel brocala que cherche rentro bmd casiwar le préfet de Niwakini getstog en brocala grande strolade crise braise hein alors CCKB. Bah, mis tierzu, cusulaire, yen, tier, kalak, niwadi, bob, monde de gares, grand strolade, poer. Mais de, parou, joël, niwad, l'art, doit, gwell, or, grand, et monde de vengom, vel, zan, serves, bulad, zanigouden, à melpistien. Bon, a dit, ses obé de tabu, trendu, da bénéfine, strolade, paris, ou kalak, ne se vote vraiment, vi monde, bah, gwengom. Ouais, le dvot pis amour de vos comptes, je vois vos tambouches, je plais, ouais, voir un dachens, hein. Comme se rend, à l'Ise d'art, vége nom, sur bop, être content d'art, de ze hen kreis braise, et ren, quand pevara trugen, pis n'a rien bord, et ren 164, ag, un drasé, zo moyen de gomme sport pelle, pis dur, ouais, bête divisen, ober un nense, pis ouais, de Gaulle, ouais, cadre, république, war quand on veut république à zé zé zo pelzo boué hein tostorant quand de l'assaut Hag bon, tamm un traoù a oario, o a rog, igor ad vev eje namz a oar un ton braz, un ton pelad, o hilomet pe daou. Mais bon, ne ket di pres de voude, juroaz. A meus an, hat krog o la bourio prestit, bon, gwell vo. Be deja zo tamm o kude, nou vid le gout dreblar tremen o bon. Gwell ar am matrez en ze rog 20 bet nan ang, men ne ket sur, hein. Bon, wardach en zevenad ur bremañ kalzetra ouve gret gant ur vretonet. Vid diven o zevenad ur, hein, mam eus manin ke zikour kalz gant ur politikerien. Vel zo begwell un evezo pe oa bekini gant gant Paul Molac. Or lezen vi kaz an tan war ov vid yezou gwasket, ba bro Vrañs. Me un on seji oaz oa ke kalzetud ba kam un deputet. Nan deus breiz an me oa ke me daou. Paul Molac à Marc Le Fur, Rel Warren qui plaire en Agnette. Ou que très grande dute. Ou que très grande. Jean Gerin m'a très en IGB de Rewan qui d'Azen, IGB de l'art Père Rewan qui d'Azen, mais parce que Clément demande bébé ta brem, on a voir n'a pas radio, n'a voir Skinwell, n'a demande bébé, non, parce que bébé comme je dessais. Bon. Bon, c'est Arzac de Breton de la bourrade de Sturm, hein, vide Zévena du Rorbro. Hag un DL oa bet de roa d'ur prizioù vid de renneus be labour oa ar brezhanek. Kal se dud zoa labour oa ar brezhanek, men un ket tout d'ur prizioù. Hag oa bet pla ver roa d'ur prizioù oa vid de renneus grell oa d'ra beneket e vid ar brezhanek. Apre, stik pe o komz de Straudis vo kant ur bol, lan se di, deja. Hag vo gedem vodo an tambe be bler, hein, amman vo gret ba melkarez. Hag ba mis meurs, hag ar vo gwell kalz ganderien, konterien, zonerien, potre da mer, bugal e a tud koz, bep sort, hag ze zo bra. On den an eus labour e kalz vid breiz, a vid d'astum trog di war breiz e donatien Laurent. Boe ur blavez yo triugen, eus bet en rol kalz dud de ze vro. Hag bremañ nantor, kasi war nantor de ze lab on eus gret, puis on eus gret war dro c'hwer kan urvez en roladur, zo bet lak war roedat gant dastum. Hag vo moyen dont te vel de vel de peso be gret gant tan. Pe oan o komz dar de Donatien Laurent, ta din de jonge de zon denel, skad en del, ba parlant tre malgad, war René Richard. A René Richard, neus be labour e kalz, vid en rol an tut, pe vije gred gazet en avroplin. A ze oa rog oa bekrou e der kabe, met deja un dud oa gazet en avroplin, jonge ba ober radio. Hag René Richard, neus o rak trezel vid evro, met bon, de se vo kom ze di ouz ator. Kalz e lever yo hag bladenou ve gred ur mar emant, da skouer, Mart Vassalo, ma neus gret, bon, Mart Vassalo, zo randav en moa bavro, ur ganderez, a neus gret o lever a gor bladen, de heuil, di war ben pez oa begret gant Maurice Duhamel, e zo an den hag ze a e ton yo disse, rog brezel perzek. Hag bon, o sakre labo zo gret gant Mart Vassalo, ma sen peus klev en ei war vagen o RKB. Hag kave war ar rouedat ve kavet me hendel l'er yo el ve moyen de zo moyen de gad de lever hag bladen da skouer ba stal lever yo moe image ba gwen gam on tom bruderes hendel kom se rand ar ve genam zor de zer wan chartier zo gazeten ar a zo han ave ma de breiz hag neus gred lever fin du soir war histoire braise histoire rendre le floc chartier et il y a non de chartier le floc chartier le floc et il y a des grains de lever war gand amzerio les histoires de Bretagne en 100 dates en temps vieux vieux gred vieux disque de histoire gogel gos pewan gogel gos pewan mi canfar vieux disque de Aiscon Charlemagne empereur 1515 Marignan à gedis quoi mille roi comme Dick ou Mar Harry Pear avec vige disque de une histoire dis quoi bon puis on peut comme de histoire Brace Or plar de Zevro, Laurence Moal, Pélarine Mott, un esgrès de lever jusement ou un rebut et du guéclin. Du guéclin ou un bégan de bloves trice canugen, la mode bron, hag au haste la zo quet bromen, pez au bé distru, je te bopet. A hez ou au zoudart gopret, un mercenaire avec et de sé. Ou à que donnar, au stambé d'un mais, grède zébé de bonne grande buée du guéclin, au bé grède au berne contadé, nous, hein. Vide, pésuélard de le roman national de la rédé, au bé d'agle versus pis un mot des bé d'autres du guéclin, de vous de, on d'une meur, bénéfine, grande inor, grande république, hein, bénéfine, elle avait fait bé de, on d'une ostour, mais vide d'un démocrate, t'es quoi. On dra fin du soir bénéfine quoi. Bonne Hendel Wardache de son air ce au cas de trouve remarquement d'asquer Bernestangin Hazav de Strolat Pembis Agnes Gray de Blad en Vidor Vugal et Agor Blad en elle Rose vraiment his what de Strolat de Storlock 40 Marou à Faltaz. Ya ya. Storlock c'est au peso ouais jour je me sais hein. Qu'avoir en torquant l'assaut, hein. Ag, bon, sais-tu, on dravote, hein, de, quelle, d'étude, radon, war l'urne, hein. Ag, hendels, au blad, kertris, au 2 de mai, roi, gandif, Bertou, Iwan Bertou, au zone, bombard, un de sgrède, or blad, un grand, fange pernès, à Patrick Mollard, à Gazo, Calzeton, Yobars, hein, au Berne, dans le vaisseau, vide, réseau Tiski, Zon, hein, spell noir, Hunter Canton, Zobars, Dreistol, Gavotten, quoi. À Gabon, la Randendune, de Rennes de Glaive, dans le Véoir, Erzonner, S, Montebren, Erbladens. Bon, sais-tu, aïe, pointine, me sera échu, qu'à Hendel, Hem, Rebel, pardon, Rebel, un trou. C'est une la randar, tiens Norvège, Morgane. Kenoiri.